savez tous exactement qui je suis. Réalité, Toharam on échappe à la fatalité. Conscience et je continue comme ça, j'ai une doublette avec Alidé. Maintenant faut que je graille pas les coups de la notoriété. Bon vieux, j'ai les itinéraires dans le stup et le son pour amener la qualité. Je me sens nasse quand j'entends l'Aden. Nostalgique l'époque où j'écoutais du rap de Ben Laden. L'époque du baladeur, l'époque où je baraudais. Je détonne des problèmes mais je perds pas la tête. J'ai peur de moi, l'hmal, c'est pour ça que je me prends pas la tête. J'sais où je vais, mais seul Dieu sait comment ça finira. Cette année je l'ai commencé dans des funérailles, pour ça que j'aime pas être vulnérable. Dis-moi avec qui tu traînes, je te dirai qui te la mettra. Je connais des mecs, il est très en gomme qu'on voit des maîtres. J'écoute que mon royal, les humains racontent que de la dé. Moi si je dois te faire du mal, même Shaitan va péter sa tête. Et si je fais bande à part, c'est que c'est rempli de bataradés. Bon vieux, je pense qu'à faire drame, le reste c'est ballot. Ils sont lèges, je suis un poilou. Mougli dans la jungle avec les gros de ballot. Si je fais bande à part, c'est que c'est rempli de bataradés. Bon vieux, je pense qu'à faire drame, le reste c'est ballot. Je sais qu'au fond, beaucoup même pas, ils ont raison. Juste pas, je suis pas les autres. J'ai un raisonnement qui fait que je vois que la somme. Hayawen qui sort du zoo. Ils sont pleins dans l'ensemble, mais leur relation est plus la sodomisation. Je préfère être solo en zoom. Je passe inaperçu comme une porteuse replaquée. Tu peux pas dire qu'il y a plus de sous dans le shit en vendant des plaquettes. Y'en a qui font le DD depuis l'époque de la Paki. Au bled, ils sont au pédale. J'ai des KR jusqu'à Agadir. Même en courant ma perte, je peux pas me perdre. Comprends ma gamberge. Je cours partout chaque jour comme si c'était une perme. Comme si j'ai rien à perdre. Comme un pauvre de BDM. Où sont mes frères sur le terre-terre? Été comme hiver. Qu'est-ce qu'ils y font, ils y travaillent le bédo et l'arbé. J'écoute que mon royal, les humains racontent que de la dé. Moi si je dois te faire du mal, même Shaitan va péter sa tête. Et si je fais bande à part, c'est que c'est rempli de bataradés. Bon vieux, je pense qu'à faire drame, le reste c'est ballot. Ils sont lèges, je suis un poilou. Mougli dans la jungle avec les gros de balles. Et si je fais bande à part, c'est que c'est rempli de bataradés. Bon vieux, je pense qu'à faire drame, le reste c'est ballot. J'écoute que mon royal, les humains racontent que de la dé. Moi si je dois te faire du mal, même Shaitan va péter sa tête. Et si je fais bande à part, c'est que c'est rempli de bataradés. Bon vieux, je pense qu'à faire drame, le reste c'est ballot. Ils sont lèges, je suis un poilou. Mougli dans la jungle avec les gros de balles. Vous savez tous exactement qui.